On parlait de golf. C'est rare normalement qu'on parle de golf à cette année. Quoi qu'il en soit, ben, on va le suivre de très très près. C'est Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau qui va faire sa première année en Floride de golf. Il va parcourir un peu les différents circuits. On lui parle. Salut Pierre-Alexandre. Salut Danny. Pierre-Alexandre, t'es rendu là en Floride, là, hein? Oui, je suis arrivé cette OK. semaine. Ça fait ça, ma quatrième journée de golf OK. aujourd'hui. Je suis dans un beau lieu présentement. Je commence à improviser un petit peu le coin là, pour et les environs là, afin de m'adapter. Puis, mais côté golf, on est très bien servi, un beau champ de pratique, des belles installations, donc c'est parfait pour OK. moi. Quels sont les y a-t-il des terrains plus les terrains sont-ils différents de ceux d'ici? C'est le type de gazon qui est OK. différent par rapport au Québec. Fait que ça change un petit peu ça change un petit peu la game. On doit s'ajuster. Le grain est beaucoup plus fort sur les greens. Quand on lit un verre, on doit être un petit peu plus minutieux puis faire attention à ces détails-là. Et puis le fairway aussi, c'est pareil un petit peu, là. On a tendance à piquer un petit peu plus le bâton au sol, plus creux. Mais non, c'est. À notre niveau de jeu, on doit s'adapter à ça très rapidement, le plus rapidement Tu possible. devrais pas avoir de misère là-dessus. Ben, c'est sûr qu'au début, là, Ouais. c'est une petite adaptation, OK. mais d'ici, même présentement, là, ça va déjà mieux qu'au début, puis ça va rien qu'aller mieux de jour en OK. jour. Là, comment ça va fonctionner? À partir de maintenant, tu fais-tu un peu ce que Kevin Fortin-Simard a fait il y a quelques années, parcourir les États-Unis, participer à différents tournois, ou tu te concentres vraiment sur la Floride? Ça va-tu ressembler un peu à Kevin? Je connais pas exactement le cheminement à Kevin qui a fait au OK. complet. Cependant, pour moi, je vais faire un petit peu de tournoi en Floride jusqu'au fight. Je vais jouer entre deux et trois tournois professionnels en Floride en tant OK. qu'amateur. Prendre un petit peu d'expérience ici, explorer justement les circuits, voir quel circuit est mieux pour moi, améliorer un petit peu mon niveau de jeu pour me préparer aussi pour un gros tournoi que je vais jouer. Au mois de décembre, le South Beach Invitational à Miami. C'est le 14e plus gros tournoi amateur au OK. monde. Donc, il y a un peu de jeunes partout, des Européens, etc. Donc, je vais essayer de me préparer pour ce gros tournoi-là. Ça va être le plus gros tournoi que je vais jouer dans ma vie amateur présentement. Donc, c'est ça. Je vais jouer un petit peu cet hiver, un petit peu de tournoi, m'entraîner beaucoup surtout pour essayer d'améliorer ma game le plus possible. OK. Puis arriver prêt, puis retourner probablement dans le sud après les fêtes, là, encore soit en Floride ou en Arizona pour améliorer mon OK. golf. Donc, ça veut dire que tu es en Floride jusqu'au mois de décembre. Tu vas revenir à Chibougamau pour passer les fêtes, j'imagine, et tu vas retourner par la suite. C'est demain que ça va marcher? Exactement. J'ai l'intention de revenir prendre un petit quelques semaines de repos à Chibougamau durant les OK. fêtes. Un petit peu décrocher, va avoir la tête ailleurs, changer les idées, et puis pour revenir meilleur, puis revenir meilleur après les fêtes, je vais probablement retourner soit en Floride ou en Arizona, c'est pas encore fait, mais dans le coin du début février pour encore là une fois jouer quelques tournois pour me préparer pour ma grosse saison d'été qui va avoir l'année prochaine. Là, j'ai l'intention de jouer beaucoup de tournois de majeur de 4 rondes, prendre l'expérience à ce niveau-là. Au Québec, c'est rare qu'on a l'occasion de jouer des tournois de 4 rondes, souvent des 2, 3 rondes. Mais je vais vraiment me préparer pour jouer des 4 rondes. C'est là que ça se passe au golf. On le voit à la télévision. Les professionnels jouent toujours des 4 rondes. Donc, je vais essayer de me préparer un petit peu à Est-ce que ça. tu connais un peu les adversaires? C'est sûr que c'est des golfeurs amateurs, c'est des golfeurs américains, mais est-ce que tu connais un peu les golfeurs avec qui tu vas lutter? Pas vraiment. OK. Je connais pas vraiment de gars ici. Par contre, je vais me concentrer sur ma game à moi. Puis je verrai ça va être qui mes adversaires rendus là. Mais non, j'ai confiance en mes moyens. On sait jamais ce qui peut arriver. Puis c'est le golf et dans le golf, je crois pas avoir de problème à lutter contre ces joueurs-là. Je me sens pas sous-estimé. Puis je vais être prêt, c'est sûr, pour mon gros OK. Le tournoi. gros tournoi, c'est au mois de décembre. C'est là que la plupart des amateurs dans le monde qui sont là, les bons amateurs. Exactement, exactement. Il va y avoir comme j'ai des gars de l'Europe, OK. des gens, beaucoup d'Américains, des Canadiens, des gens de l'Amérique du Sud. C'est vraiment un gros tournoi connu qui donne beaucoup de points sur le classement mondial pour les gens, les Américains. Donc, la plupart des gens veulent y aller. Donc, on va voir un peu, je me situe par rapport à eux. J'espère faire une bonne figure, puis je pense être capable de bien OK. performer. Si on parlait maintenant de ton entourage, là, tu es là-bas, tu restes où et avec qui t'es? T'es-tu tout seul? Comment ça fonctionne? Présentement, dans le fond, j'ai loué une maison OK. là-bas. Je suis avec un autre golfeur du Québec, un autre amateur québécois. Donc, c'est ça. On partage un petit peu les frais ensemble. On est membres les deux d'un terrain de golf au Champions Gate à Orlando. On sépare un petit peu les frais, on s'entraîne ensemble, on essaie de suivre, de se donner des petits conseils, puis de s'entraîner ensemble, de s'aider un petit peu, là. OK. Donc, tu t'en vas là avec comme objectif d'améliorer ton golf, de bien performer, et par la suite, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que les premiers tournois, il ne faut pas s'attendre à grands résultats, mais ça va être des tournois de préparation pour le mois de décembre. Exactement, OK. exactement. C'est pour prendre l'expérience, surtout avec les professionnels Ouais. aussi. Je pense que ça va m'aider quand je vais faire le quand je vais tourner pro. Je pense que je vais avoir déjà l'expérience dans ce domaine-là. Puis je vais me sentir plus à l'aise un petit peu. Fait que c'est de prendre un peu d'expérience pour arriver après ça au mois de décembre, puis faire le meilleur résultat OK. possible. Puis c'est ça, Ben exactement. Pierre-Alexandre, on va te surveiller de très près. On va continuer à te suivre cet hiver, puis gêne-toi pas dès qu'il va y avoir quelque chose. Excellent, pas de problème. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau qui est maintenant rendu en Floride. Il va disputer quelques tournois d'ici la période des fêtes.